nur de Silo hin à Brezhoneck. C'est l'heure de retrouver hin à Brezhoneck. Vous êtes bien sur RKB pour hin à Brezhoneck. Comme d'habitude, on commence par Gariou Arvué. Aujourd'hui, l'émission Trihand Pemzek à Trihugen, 375. Alors, quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. J'ai trouvé, au mois de septembre, j'ai lu un article concernant le pardon de Saint Fiacre. Et on parlait dans cet article d'un concours de harpon. Tu sais ce que c'est que le harpon? Tu vas nous expliquer ça, Henri? Oui, parce que en fait, quand on entend le mot harpon, on pense tout de suite à ce qui sert à attraper les baleines, par exemple. Hein. Oui. Mais c'est pas du tout ça, en fait. C'est une scie. C'est la scie. Oui, voilà. C'est une scie. Hein. Donc une grande scie qui sert, à couper les troncs. Hein. À deux, c'est ça, Henri? À deux, voilà. Il y a un manche à chaque bout. Hein. Et donc, en français, on appelle ça une scie passe-partout. Et alors, c'était à Saint-Fiacre, et donc en gallo, harpon, ça désigne la scie passe-partout. Et les bretonnants, en tout cas ceux qui ont passé la cinquantaine, ont tous connu ça, hein, le harpon, hein, et ont vu travailler avec. Hein. Et c'est un mot, alors j'ai cherché dans plusieurs dictionnaires, et c'est un mot qu'on ne trouve dans aucun dictionnaire français, on ne trouve le mot sous cette acceptation-là. Et comment ça s'appelle alors en français? Alors ça s'appelle un passe-partout. Un passe-partout. Un passe-partout. D'accord. Et alors, par contre, en breton et en gallo, des deux côtés de la frontière linguistique, on a le même mot, harpon. Alors j'ai essayé de savoir d'où ça venait, alors j'ai fouillé dans le dictionnaire d'ancien français, tout ça, j'ai pas trouvé grand-chose. Henri a cherché pendant 12 jours et 12 nuits. Non, alors, finalement, c'est Gosselm Boismenu qui a pu trouver la solution. Alors, c'est un mot qui a eu une histoire assez extraordinaire, puisque c'est un mot qui est passé c'est une racine grecque, un verbe grec, hein, harpazein, qui veut dire saisir, donc qui a donné le mot en latin. Et du latin, c'est passé en occitan. Par exemple, on le trouve en provençal et en limousin. Et puis de l'occitan, c'est parti un petit peu partout dans les parlers locaux. Sans doute, ça voyageait avec les ouvriers. Mmh. Et donc, ça atterrit finalement en breton et en gallo. C'est assez amusant de voir un mot qui circule comme ça, quoi. Et c'est la même racine qui a servi à forger le nom de harpagon. Harpagon, l'avare dans Molière, donc c'est certainement un étudiant en latin qui avait forgé le mot, quoi, pour désigner un avare. Mmh. Et donc c'est devenu un nom propre, harpagon. Donc finalement, le harpon et le harpagon, c'est la même racine. C'est assez étonnant, quoi. Alors, effectivement, donc c'est une racine, une racine grecque. Et qui a donc évolué à travers le latin et l'occitan, quoi. Voilà. Alors le harpon, évidemment, ça rappelle pas mal de choses à ceux qui ont connu cette époque-là. Et dans le dictionnaire d'André Mercer, là, André Mercier, donc qui a été instituteur à Glomel, hein, qui est bien connu des gens ici, lui, il traduit ça par la scie de scieur de long. Alors, harpon, c'est aussi la grande scie de scieur de long, qui ressemble à un harpon, mais à un passe-partout, mais en fait, qui se manœuvre de bas en haut. Hein, donc, on scie les troncs pour faire des planches, par exemple. Hein. Mon grand-père faisait ça avec son frère, et c'est un travail qui est très pénible. Hein. On peut voir ça au musée des automates à Plévin, là, chez Jean Madec. On a des scieurs de long comme ça, hein, donc un placé en haut et un placé en bas, et la scie qui est verticale. Donc harpon, hein, un mot. Alors le pluriel c'est harponou, hein. Et donc on a un verbe, hein, qui est harponnant, donc qui veut dire scier, donc avec un harpon comme ça. Et en galop, on trouve harponner, un poney qui n'est pas prendre avec un harpon, mais qui est scié avec un passe-partout comme ça, ou harponnour aussi, quoi. Voilà. Alors, finalement, le mot a disparu en français. Il a été remplacé par passe-partout, quoi. Et donc, il a survécu dans, comme je le disais, soit en breton et en galop. Alors, j'avais l'intention de, au départ, quand j'ai commencé cette affaire-là, j'avais l'intention de traiter le mot hesken, hein, qui veut dire une scie en général, mais finalement, ça sera pour une autre fois. Très bien. Voilà. On passe à la deuxième partie d'émission. Donc, on passe à la deuxième partie. Braison, le temps m'attend. Merci, Henri. Raison nec, temps m'attend, c'est la deuxième partie de l'émission. On va parler de quoi aujourd'hui, Henri ? Alors aujourd'hui, donc, Chornik est allé voir André Gack, qui est le président des boulistes, à la fois de Zantolog et des Poudériens, puisque ils ont fait un club ensemble, ah ouais. Bertrand. Ensemble, ARP. Voilà. Voilà, un club intercommunal. Voilà. Alors on les écoute. On les écoute. Salut André, Manam Trao Gandar ? Ya, Matri, Chornik, à Gandar. Matrié, mais l'arédinta, oui, président d'un voulisté? Jan Chandik, président d'un strolat Berterboulo, zarvet gantut de zantolot, à de splouderien, d'obje glaso, vraiment. En an momba boulodrome zantolot? Jan Chandik, pemplaso et bezarvet, tutzo olar et ilizor boulo, met guire et or boulodrome ker. Aga liyes verroir et boulo, ama? Oh, ya, bemde peve clou à roir un amzer. Plusieurs adorés gauze au bord au parti, mais le végeau vêtu de Johan a dit végeur mis avec red scholar boulot. Pour les petits, ça. Voilà. Alors, voilà. Alors on verra la prochaine fois, hein, on parlera un peu de cette école de boules, là. C'est de la boule bretonne. C'est de la boule bretonne, ah, oui. Bien sûr. Ah bah oui. Oui, oui. Ah bah bretonne, mais aujourd'hui elles sont faites en Italie, puisque c'est des boules en plastique, hein, depuis quand même pas mal d'années. C'est un scandale. Avant, c'était des boules en. On disait des boules en bois, hein, en hêtre, par exemple. Et puis après, il y avait les boules en gaillac, hein, qui étaient un bois très dur et très lourd. Après, bien sûr, on est passé à la boule synthétique. Composite. Synthétique, voilà. C'est fait avec des déchets, peut-être même. Oh, ben, je ne sais pas avec quoi c'est fait, mais apparemment, il n'y a pas de fabricant en France, non. Et donc, on utilise des boules italiennes. Bon, on va reprendre. Mais avec la règle du jeu, ah oui. Voilà. on va reprendre donc ce dialogue entre Chanique et André. Salut André, Madame Traugonard. Oui, Madame Traugonard, hein, ça va bien avec vous. Hein, les choses vont bien avec vous. Il y a un Matré Chanique à Ghana. Et avec vous, pareil. Matré Ivé, Medlarinita, où est président d'Arvoulistet? Voilà, Matré Ivé, Medlarinita, mais dites-moi donc, où est président d'Arvoulistet? Alors, vous êtes le président des boulistes. Alors là, il y a une mutation, puisque c'est un nom de personne qui n'est pas en « ou », en pluriel. Donc, on a une mutation, Arvoulistet. Adoucissante. Adoucissante. Voilà, le « v » devient « v ». Boulistet, voulistet. Il y a Chanik, président d'Arstrolat, Bert d'Arboul. Ouais. Oui, Chanik, président de Arstrolat, c'est un club, une association. Bert d'Arboul. Alors ça, c'est difficile à traduire. Hein. Bert, c'est suce aux boules, quoi. Hein. Allons-y avec les boules. Hein. Bert d'Arboul. Ouais. Ça avait de gantude de Zantole qu'à de splouder, hein. Voilà. Dans Zeglasso, vraiment. Alors qui a été créé, alors Zavet, hein, levé, hein. Par des gens de Zantolog, hein, tut de Zantolog, à de Spouderien. Et de Spouderien. Ceux-là, ils sont de l'autre côté du Blavet. Oui, hein, voilà. Douze Glasso, vraiment, il y a 12 ans maintenant. En Mans, mon boulodrome Zantolog. Voilà. Et ici, nous sommes dans le boulodrome de Zantolog. Alors, boulodrome, bon, on dirait aller au boulot, mais le mot boulodrome est utilisé couramment. Hein. Boulodrome, peut-être plus accentué qu'en français. Il y a Chanik, Pemblasso et Betsavet. Oui, Chanik, il y a 5 ans qu'il a été construit, levé encore. Tudzo Allar et Ilizar Boulo. Oui, certains disent que c'est l'église des boules. Oui, il y avait eu un peu de chèche-blé à ce moment-là, parce qu'on avait trouvé qu'on avait mis trop d'argent, que la commune avait mis trop d'argent dans le boulodrome. Mais Guiré est un boulodrome qu'est. Mais c'est vrai que c'est un beau boulodrome. À Galies, Verroiriette, Boulot, en main. Oui, et souvent on joue aux boules. Alors là, c'est une forme passive. Hein. Sont joués aux boules, hein, ici. Et joués aux boules. Hein. Alice, hein, souvent. Oh, il y a BMD avec clou à avoir un Amzer. Il y a, oh oui, BMD tous les jours. Avec clou à avoir un Amzer, quand le temps est assez tiède. Hein, c'est toujours. Alors, tiède, c'est assez. Il y a une pointe d'humour là-dedans. Hein. Clou à avoir un Amzer, hein, quand il fait un temps un peu clément, voilà. Plijara d'Aregos de Berar Barti. Mais da Véchou, Vétu Diouant, à Diou Véchermise, Végrette, Scolar Arboulo. Voilà, Plijara d'Aregos, hein, donc là aussi c'est encore passif, hein, il plaît aux anciens, Aregos, hein, aux vieux. Obero Barti, alors là c'est le mot parti, hein, qui est passé en breton, Barti, hein, Obarti Voulo. Hein, mais de Véchou, Vétu Diouant, mais des fois il y a des jeunes, parfois, Véchou, hein. Diouvé Jésus ne vegrette scolor boulot. Diouvé Jérôme-Mise. Diouvé Jérôme-Mise, oui, ce serait trop, ouais. Non, non, et deux fois par mois, hein, plutôt, on fait, hein, donc, est faite l'école des boules, scolor boulot. Donc, pour les jeunes, pour les écoliers, souvent. Hein. Donc, un bagouar, il y a un beau boulodrome près de la salle. Ah, oui. Oh, ici, il y a des beaux boulodromes, hein. Oui. On joue encore pas mal. Oui, c'est encore un jeu qui est beaucoup joué en concours, mais même aussi dans la vie quotidienne. Et c'est bien agréable. Bon. Et puis maintenant, j'ai vu qu'on joue au palais par endroit aussi. Voilà. Le palais sur planche est introduit, et ça, c'est amusant aussi. Bon. On passe à la troisième partie, Henri. Petra Zonet-Viervro. troisième partie d'émission, c'est Thierry Petra Zonévé Ervro. Kals e drao e vel just boer vej diouzan. Krogom de diantan vel custum, gandolar bourdouar hag ar vu e war ar mez. Tramen de bremañ, mis sienver a geruom de job a mis hwere. Hwere bian vel ar e regoz. Diwa le deus hwere bian al ar realisme mam goz. Ka guire, redemont betag e mis meurs evit don mez eus ar gwan kalet. Memestra, hiradra un de tan matan a mondoran war an tumat, mondoran war an tumat pe la rimat, da la rade o artu en eve amzan. War dach en la bour douar, pa da blad au viltrize, ge vo komz o kalz de zor pak. Politiker eus bro Europa war dach en la bour douar. Kasi prest e a leze en la ko war dro d'or pak evit roer la, deus da au viltrize ge beta da au vil ugen. Komz o ve kalz ive deus eus ikourio ver ro et gant bro Europa, vid gwerzan ki gir skornet mez deus bro Europa jizmat. Hag eus ikour eo ze ve ro et de dreistol a breiz am de stalio ve ildou pet ilis abako hag bon diviz eus obe dize la deus nantor eus ikour eo ze. Eus ikour eo ze ve l'art restitution nou. Bon, me deja, deja ne ket don dran eve, pu dur babla daou vil pem, eo abe divizet gant bro Europa di hant gant ar zikour eo ze. A gant se, ze eo abe divizet pel zo. Med reuz o gant ze me mestra. War dach en ur politik er es kalz ur reuz zo, ur mar eman gant rak tresou vid hat framant en tiriadou, pez velar din galak reform territorial. Da skwer, ba gwengam, vo klaske d'ober ur dier neve, petram an ve klaske d'ober ur dier neve, kanek e grehoaz, pel de se, Gwen gant bras, gant star gant tout de barouj ou tro ar dro de ven gant, deus gwen gant just mat. Met tout d'un du n'en ket de du gant se, da skoer mer plou vagor, n'en ket de du tan me bet, hag kalz deus di li ni di av gwellar, chom di up, an eke bout long ket gant gwen gant bras. Gwen vo pe sa mod vo kont. Bastrola de Well, mon tam kont ma meus mod, vel ba kreiz breiz, ba CCKB, vel velar, eus o reuz, pu dur eus o ter barouz, hein, plevin treogant a trefrin, eus o klasmont mes, evi mont de boer communauté de la rade de voustag deus karez viz pez eus el deus eus trolat parougio. Hag zuroar vo reuz ganze a neket gred an traouaz. Hag babro kreiz breiz am eus o reuz oaz, gwell ar eus o labour vid de politikourien, gant ar hop, pu dur président d'un hob, Michel Morvan, n'est que de du grand pézlar à notre trois decks au maire Carès, à Gundeswand, had from our hob, trop hard road, our garès, à Gador, pézvelar, d'or Scott, à bon, azézo, trop azo dit, hen velontam, hein, très, Michel Morvan, à Gunahan, Christian trois decks. Bon, quoi, le vaut pésamo de vos comptes. Ne la rin ket kalz dra ou ar dro en ekonomiz, ne la rin mande bet mamez pe volar de tra ou vel moin, ben ar vegel vo gret. War da chen eus evenadur eus o evel just kalz dra ou de la rad. Un der mod ve kalz dra ou war da chen eus evenadur. Divizet zo bet nevezo ober bar ba kastel neve ar fau, ur mirdi evit ur livour Paul Serruzier. Hag se vo gret bon bremañ. Brude de tre et Paul Serruzier et Breiz, l'air ne se bive de ne se grède en temps mat de zi vu et bénéfine. Paul Serruzier ne voit que Breizad, hein, grand noa ba Paris, ur bla mileis kan noa triugen, hag de berla war nugen, oa deux de Vreiz, hag aze ne se bon de doa ba pondaven, ba pouldu, a tro war dro, hag ase neus an avet livour yonel vel da skouer Paul Gauguin, zo bru de tri ivi. Hag krouen en eus ur strola de livour yon, zo han vet re nabi, un nabi ze zo un naun ebrag vilar diouganer, diouganer yon, galak vela profet. Hag deus Paul Serruzier vi jegret de nabi botokwat. Hag bon, o bern tra ou pli just neus begret, hein, mi blichtin pe so bet liv gant Paul Serruzier, hag neus gret trao da skouer ba nuel gwa da tro ar dro a ba kastel neve ar fao. Hag babla no, mil no an seiz a oa dimezet a oa lerzet e chom me kalz ba breiz. Puyon eus zavet an ti ba Castelneve. Hag jusmat ba Castelneve zo deja ur stred a zo raun Paul Serruzier. Bon, trovo de gomz eus eroaz. Dans mon temps vraiment ou ardache en brezon nek. Ba béar ou a bet had nevezen nevezo en ti post. A goulez o bet gant beb sortut, vef e bet laket panel ou dioyez ba ti post, met bon ne ke bet asent en draze evel just, hein. Peu dur Jacobin ve der mod o hedal, hein. Bon, a setu ne vo ke laket tan brezon nek bet ba ti post ba béar. Voilà, red, pan, un amzor se vek red au bern discours, yo gwan ton bras, ou ar identité les breiz, mais un trou non ke gwal vounis. Il y joue breiz, il change un temps, mais der an gant de brezon, me mestra, ne vek a kleve kals, drou e brezon ne kin. Skar se debet ar brezon ne gmez de zun ili jo, gant de ili sofisi, el, j'y was. A gouskoun e an dra zoe zuzwar zo bet ar an eveso, o lever aver ne brezon ne gezo bet de otret gant Vatikan. Setu vo moyen de gant lever aver ne pen de ben ne brezon ne. Hag an eutra ou moutel zo eskop zambri ag a landreg an breman, an eus lar ed oa an ili ze du gant an brezon ne. Tiar te gompren. Un DL, zobit, ba théâtre Montourles, prijou, zobit roet, prijou vit dazon dans Brezondoc. Quand est faire tri, hag, office dans Brezondoc. Hag, zouar peus clède Marie-Hélène Morvan au comble ze zé, ben abandon tu de zevro. Hag, bon, j'onjal rand ma trezen en vechpenec, vo roet en prise de RKB, plusieurs, mon RKB, labour à Trégon de l'Assaut, ou en Brezondoc. Mais avec que goar et dans ma treize non vich penek et dans vos rôles dans ton prise de RKB même ce sera bon on ne babla ya ouzo bon on ne gomps dans tombe de ce strolade mignon de glad ba gwengom hein. Bon or plard de gwengom Simone Toulet zo bid présidente de strolade se pas appel agnes gret calz de draw hein in bon leverio ou in bon de gela ou en mignon de glat hag me dopi driblasso ou a chombe kouske de gevridig hein peso dommage me mestra hag un DL justement de webe don en vod hag webe de dilene de Jean-Paul Roland vel président de gevridig Jean-Paul Roland zo an avement de vel juste ba RKB puis tu alise vec lève de ba abaden Jean-Pierre Guyader hein tu te zevro Hag l'ar a ramdan chans vod, chans d'ur strolat. Kal se bladen ou eve en rol de breiz, hein, a li se gont an dar de zeur bladen ou, hein, pudur ve imban de muor, muor bladen ou am a breiz viva bro franz e bez. Da skwer, ne veso zo imban do ur bladen zavet an en rol gant Jean Baron, hag un eus gret ur bladen gant bombard ogro a Ocarina. Ocarina, un tamm bint veng bien a hag zo bratre de Chilau. Bon, vezhen am zo gont an dar deus un dut de vaed de nan an jiwaz, hein, disement bu e un dut. Aze, moet un an an un Jean-Christophe Cassard, zo a istorur an eus labour e kalz war breiz pa de namzor gren, moyen âge ma peswan. Hag yo an gwa-hoaz, hein, o bla a triugen, hein. Hag bon, o chom ba lo ki reg oa, Jean-Christophe Cassar, an eus labour e kalz vel meus lar etar, war un istor breiz pa de gren namzor. Hag an denel, zoet un an an, e yann poalvet, kos ar oa, hein, pe dio oa pempa perugen la, hag un dinze oa gazetener hag un oa gred ur gazeten, krouet ur gazeten ar mor, ba bla no a triugen. Hag zo bet deud mez pem kant eus ur gazeten ze, pem kant niveren, a bene fin, bon, gant niveren pem kant e et kuit ur gazeten, ha, ba bla dauvil onek. On din deus dinan, pe on komz deus, vraiment on tamm deus escrivan erin, Christophe Martin, i hanno, neus bet d'un evezo priz skrivanerien ur huchol. Vid o lever di war ben Simon Moran, ur plar neus bet gret neus bet d'astum kalz kontadenou deus breizuvel. O lever el, pujant komp deus leverio, eus o bet skrivet gant Yannick Baron, on den zo sturm pelzo vid an brezonne, hag lever ze neus vel haun tan banti, péril en la demeure pour les langues de Bretagne. Hag neus komp ze jusement de spesa mot, diven an brezonne, ga hadze vel an brezonne, hag galowek e breiz. Bon, setu aze un templaz de spesone ve ar vro, kalz draou ve febe de la ar roaz, me poan levnin kuit al memestra, hag laver amdar kenavo, tien ar vegel, chilowean, er kabe. Merci Henri.